Troisième partie. Le concierge gagne toujours. Vous avez gagné ? Non, je ne gagne jamais. C'est dommage. Moi, je gagne toujours. À la loterie ? Oui. Vous avez gagné combien ? En 5 ans, j'ai gagné 25 000 francs. Formidable !